والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد parmi les choses que nous avons étudiées concernant l'introduction du matn de Al-Qawaid Al-Arba' nous avons étudié Unwan al-Sa'ada, c'est-à-dire les signes du bonheur. Et Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit qu'elles sont au nombre de trois. Quelles sont-elles ? Fadal Abdul Hakim. Non. Hassan tombe juste un petit peu plus précis, Prof. Ahmed. Hassan, en français, qui peut le dire? Ahmed, de toute en français, termine, Inch'Allah. Il fasse le tour. Donc, lorsqu'il te donne, que tu sois reconnaissant, et lorsqu'il t'est faux, que tu fasses non. Cela sont les trois signes du bonheur, comme l'a indiqué Cheikh l'Islam dans son introduction. Une question, comme ils disent, parfois existentielle. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé? Nous l'avons vu aussi dans le cours précédent. Toutes ces questions, les frères, barakallah, comme je l'ai dit précédemment, c'est des choses qui vont revenir avec nous. Et les points que nous étudions ici, les définitions que nous donnons, sont des choses qui vont venir avec nous dans l'ensemble des livres que nous allons étudier. Donc il faut les maîtriser. Surtout quand on donne une définition, certains points, en particulier les définitions, essayez de bien les maîtriser comme ça. À chaque fois, ces questions elles vont revenir avec nous. Même si on ne fait pas de série de questions-réponses comme avec ce livre-là, il est possible de poser la question dans le cours. Et ces choses-là, il faut les maîtriser. Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla t'a créé ? Fadal Salim. Les ta'boudahum, ahsant. Pour que donc, tu l'adores. Et la preuve de cela. Fadal Mourla. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون احسنت بارك الله فيك je n'ai créé les hommes et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est le but de la création d'Allah Azza wa Jalla, des djinns et des hommes. Pourquoi? Pour l'adoration. Al-baraka. Nous avions défini le terme al-baraka. Donc il peut être traduit approximativement en français comme la bénédiction. Qui peut dire ce qu'est Al-Baraka? Pas toujours les mêmes. Kamel. Ahsant. Kesratul khayri wa thubutu wa dawamu. En français. La multitude des biens et le fait qu'il reste est perdu. Ahsant. L'abondance des biens, la multitude, l'abondance des biens. Et le fait que ces biens restent et perdurent. Ahsant, barakallahu fik. Al-baraka, souvent on dit al-baraka, barakallahu fik, barakallahu alik. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette baraka, c'est quelque chose à bien comprendre et à bien apprendre et à se le rappeler. Al-wali, on avait parlé de l'wali. Al-wali. De la parole de Cheikh l'Islam, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, qu'il te prenne comme allié, que Allah Azza wa Jalla te prenne comme allié, et ceci fait partie des invocations que Cheikh l'Islam fait pour toi, le lecteur, celui qui apprend ce livre, celui qui le lit, que Allah Azza wa Jalla te prenne comme allié, ou te prenne comme bien-aimé, comme il est traduit parfois, al-wali. Qu'est-ce que al-wali? Ahsant. On avait juste détaillé un point en plus d'après la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, si vous vous rappelez. Donc le frère a dit celui qui était craintif d'Allah ou celui qui était pieux envers Allah, donc comme ils le traduisent le taqwa, la crainte révérentielle ou la piété, eh bien il fait partie des alliés d'Allah, des bien-aimés d'Allah. On avait détaillé un autre point. Omar. Celui qui est croyant et pieux. Ahsantum. Ahsantum. Donc celui qui est croyant et qui est pieux. D'après la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Celui qui était croyant et pieux, et ceci d'après le verset de Sourate Yunus. D'après le verset de Sourate Yunus. Une autre question, on va terminer par cela. Une personne qui fait la prière, une personne qui prie, et cette personne, une personne qui prie pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais cette personne associe dans son acte d'adoration dans la prière à Allah azza wa jalla, c'est-à-dire qu'il aura mélangé à sa foi, donc dans ses actes d'adoration, il aura mélangé l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que cette prière lui sera bénéfique? Est-ce que cette prière lui sera bénéfique? Normalement, tout le monde répond. Non, Abdelhakim, il ne sera pas bénéfique. Et ceci, on va reprendre sur cette question donc notre explication du cours de la semaine dernière.